qui dit je t'aime comme un caméléon. Je t'ai senti partir et j'ai pris les devants. Malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant. Mais toi tu dis je t'aime comme un caméléon. On s'est promis des sentiments. Quand tu disais oui, moi je disais non. Et on s'est laissé tomber. S'est laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais bah c'est du passé. On s'est laissé tomber. S'est laissé tomber. On s'est promis des sentiments. Tu disais oui, moi je disais non. On s'est laissé tomber. Laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais bah c'est du passé. On s'est laissé tomber. Laissé tomber. Et toi qui disais, bah c'est du passé.